مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. أخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن آجي الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب منصوبات الأسماء، باب المفعول به، باب المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واتفى، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فآخر ما أخذنا من الأجرومية باب البدل. On avait pu prendre dans le cours dernier le bab qui est quoi باب البدل. On avait pu achever par ce bab là le dernier qism qu'avait évoqué rahimahullah ta'ala parmi al-marfu'at min al-asma'. Il a conclu al-marfu'at min al-asma' bi al-badal alladhi huwa al-rabi' al-tawabi', la quatrième catégorie de ce qu'on appelle al-tawabi', ce qu'on avait pris juste avant at-tawkid al-'arf wa kadhalika al-na't. On avait évoqué, ou plutôt al-mu'allif rahimahullah ta'ala, il avait évoqué une certaine définition pour le badal. On avait pu voir que ce n'est pas une définition qu'il avait évoquée, mais c'était plus un hukm. Il avait dit: إِذَا أُبْدِلَ إِسْمٌ مِنْ إِسْمٍ أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْلٍ تَبِعَهُ فِي جَمِيعِ عَرَابِهِ. Ça c'était plus le hukm du badal. Amma la définition qui est propre au badal, awalan, j'avais oublié d'évoquer la définition du badal min haythu al-lugha. Fi al-lugha al-arabiyya, al-badal c'est l'iwad, le fait de remplacer une chose. Qulu subhanahu wa ta'ala: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني demandez-vous à la place de ce qui est meilleur, la chose qui est d'une valeur autre que celle qui est en dessous de cette valeur-là. Et il avait évoqué, en plus on avait évoqué اصطلاحا عند علماء النحاة أن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. Ça c'est la définition qui est propre au بدل. تابع مقصود بالحكم ليس بينه وبين متبوعه فاصل. il n'y a pas de wasita, d'intermédiaire entre lui et son matbou'. Et il est maqsoud bil hukm. Et lorsqu'on dit il est maqsoud bil hukm, on a pu voir que toute phrase verbale ou bien nominale, que ce soit كانت الجملة فعلية ou اسمية, elle apporte un hukm, elle apporte un jugement. Il dit مثلا جاء محمد, j'ai apporté le jugement que Mohammed est venu. فال حكم c'est le maji. فال بدل هو المقصود بالحكم. C'est-à-dire le jugement qui est évoqué dans cette jumla qui est ismi ou bien fi'liya, et bien lui il est maqsoud bil hukm. Si jamais je dis مثلاً جَاءَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَرَسُولُ اللَّهُ نَاسَ الْبَدَلِ de Muhammad, et il est maqsoud bil hukm, يعني قَصَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ في الحكم de المجيء de la venue. Comme on a pu voir qu'avec le cas parmi les exemples qui éclaircissent bien la définition du badal, lorsqu'il avait dit أَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثَهُ. Est-ce que lorsque je dis akaltu ar-raghif, est-ce que je l'ai mangé entièrement? Non. Donc ce qui est maqsoud bil hukm, c'est la chose qui vient juste après, qui s'appelle quoi? Le badal, qui est le tabi'. Thuluthahu, c'est le tiers. J'ai mangé un tiers du pain. Et Kadalika, par rapport à l'exemple qui était Nafahani Zaydun ilmuhu. Est-ce que c'est Zayd qui m'a été profitable? Là. Lakin le hukm qui est venu ici, c'est que sa science m'a été profitable. Donc c'est pour ça qu'ils disent El maqsoud bil hukm. Quel est le maqsoud bil hukm? Dans Nafahani Zaydun ilmuhu, c'est qu'il y a une chose qui a été profitable, c'est quoi? La science de Zayd et non pas Zayd. Ça, c'est la définition du bedel. Et ça, ça exclut parce que tout si c'est des tawabi' le na't comme catholique et tawkid, lakin il se départage al badal min al tawkid wa ghayruhu min al hatf et kadhalika min al na't, que c'est lui qui est le maqsoud bil hukm. Comme si par exemple je dis par rapport au na't, jaa al ustadu jaa al sheikh al fadilu, jaa al sheikh al fadilu. Lorsque je dis al sheikh al fadilu, fadilu c'est un na't de al sheikh. Est-ce que al fadilu il est voulu dans le hukm, c'est-à-dire le jugement de la venue, là, c'est pas lorsque l'on dit Dja al-Sheikh al-Fadilu, on n'a pas voulu dire Dja al-Fadilu. Lakin al-Sheikh, et sa sifat du Sheikh, c'est que quoi? Il est Fadil, c'est quelqu'un de mérite. Donc c'est pas lui qui est maqsoud bil-hukm, c'est pas al-Fadil qui est maqsoud bil-hukm. Donc là, ça peut pas être un bedel. J'aurais dit, مثلا, Dja al-Sheikh, Dja al-Rajulu, Dja al-Rajulu, al-Sheikh, الفلاني جاء الرجل الشيخ الفلاني فهم فشيخ الفلاني celui-là il est maqsoud bil hukm qui est venu الشيخ الفلاني. Donc ça c'est la différence entre quoi le badal ou akhawatuhu min at-tawabi, ceux qui sont pas maqsoud bil hukm au contraire du badal qui est maqsoud bil hukm. Ensuite l'abbé Waqi'a rahimahullah ta'ala an al badal yanqasimu ila arba'ati aqsam, qui peut nous rappeler les aqsam du badal? تفضل. نعم بدل الكل من الكل نعم ça c'est le premier قسم remplacer une totalité par une totalité. جاء الأستاذ علي بدل الكل من البعض من الكل العكس بدل البعض من الكل نعم ça c'est la deuxième comme elle avait dit أكلت الرهيف ثلثه ça c'est بدل الكل البعض من الكل بدل الاشتمال نعم نفعني زيد علمه. Ah, c'est ishtimal, c'est pas un membre. Son ilm, c'est pas un membre de son corps. De Zayd. Wa badal al-ghalat, c'est lorsque tu fais une erreur. Ja'a Zaydun al-farasu. Ja'a Zaydun al-farasu. Tu voulais dire Ja'a al-farasu, lakin, sabq al-lisan, et t'as dit quoi? Ja'a Zaydun, lakin, c'est le faras qui est venu. Hada huwa aqsam al-badal. Arba'a. Badal al-kul min al-kul, on a pu voir que al-mu'allif rahimahullah ta'ala, il a évoqué notre appellation pour le premier. Il a dit badal al-shay min al-shay. Ça, c'est la même chose. Et quant à laquelle la troisième appellation, badal al-mutabak, al-mutabak, parce que c'est la même chose. Mutabak, c'est une chose qui est en totale, en conformité totale. Badal al-ba'd min al-kul, une partialité, on va prendre d'une totalité une partialité. Et badal al-ijtimal. Et c'est quoi la différence entre badal al-kul, al-ba'd min al-kul, ou badal al-ijtimal? Non, faddal. Dans le ba'd min al-kul, le badal c'est une partie du badal minhu. C'est une partie. Al-ba'd min al-kul, c'est une partie du badal. Comme il a dit, akaltu ar-raghifa thuluthahu. Le tiers que j'ai mangé, il fait partie des deux tiers restants du pain. Et l'autre, il ne fait pas partie. C'est pas une partie du badal. Lakin, c'est une chose qui est comprise dedans. Qui est comprise dedans. Et qui ne fait pas partie. Qui n'est pas un membre. Non. C'était tout. Sinon, le bedel, c'était simple. C'était ça. Non, mais il y avait, Kazalika, on avait pu évoquer par rapport au jugement. Par rapport au bedel, El Bar Men Alcool, ou El Bedel Ejtimal, qui avait un jugement qui était ajouté par rapport aux autres Aksab. Qui se rappelle, on avait évoqué une chose qu'il fallait obligatoirement appliquer avec le bedel al-bar min al-kul ou bedel al-ijtimal. On va mettre un damin qui revient au bedel minhu. Parce que comme c'est un bedel, un bar min al-kul, donc c'est une partie de ce bedel-là, donc il faut qu'il y ait quoi? Un damin qui revient, qui montre qu'il y a entre les deux une relation. Avec bedel al-ijtimal. Comme il a pu évoquer dans l'exemple, akaltu ar-raghifa thuluthahu. On n'aurait pas pu dire akaltu ar-raghifa thuluthahu. Parce que le thulutha il revient à qui? Donc là, on est obligé de mettre quoi? Un damir qui revient sur quoi? Sur le badal mud dalumin. Et il faut qu'il soit mutabiq. Si maintenant j'aurais dit akaltu ad-dajaja ثلثه سسعتين خطأ تام. أكلت الدجاجة ثلثها تام. شو الدجاجة اللي في منها؟ نعم. كذلك بدل الاشتمال كما الذي نفعني زيد علمه. شيء مسغتي وندخ مثلا نغدي نفعني أختي علمها تام. نفعني أختي علمها تام. دوك يفوك يا إن مطابقة entre le damir qui revient, qui est muttasil bil badal et le mubdal min. Le cours était assez simple, inchallah donc on poursuit et on rentre dans un nouveau chapitre qui est bab al mansubat min al asma. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala babu mansubat min al asma mansubat al asma. N'am. Fa ba'da an dhakara rahimahullah ta'ala bab marfu'at min al asma fa sanna al mu'allif rahimahullah ta'ala bi al mansubat. On avait pu voir qu'est-ce qu'était la définition du mansoub. L'uratan c'est al-shay al-mustaqam, une chose qui a été dressée. Nasab al-shay ay aqamahu, il a dressé. Et ce qui évolue dans istilah al-nuha, c'est intérieur marsous, fi akhir al-kalima, et ce qui évolue par la kalima c'est al-mu'araba, fi akhir al-kalima al-mu'araba, et les arabes qu'on a pu voir, il peut être taqdiri ou bien il peut être lafzi. Il y a un amil qui a changé tout cela. Et sa alama, c'est quoi al-fatha ou ma'na ba'an al-fatha? Comme on a pu voir, il y avait cinq alamat par rapport à cela. Il y avait al-fatha, al-alif, al-kasara, hadf al-nun, et à chaque fois on oublie le dernier, le ya. Ça c'était les alamat qui étaient pour le nasb. Donc là il va nous évoquer, rahimahullah ta'ala, al-kalimat allati hiya mansouba, min al-asma. Il ne va pas parler min al-afhal. L'afhal on a pu voir dans les alamat al-rafa. Là, il va parler des asma. فقال رحمه الله تعالى قال المنصوبات خمسة عشر. Il a évoqué qu'ils sont au nombre de 15. Il les a tous évoqués, lakin il y en a qui ont été évoqués par répétition. فالصحيح المنصوبات ils sont au nombre de 14. المنصوبات من الأسماء أربعة عشر. Elles sont toutes évoquées, lakin il a évoqué d'autres rien par répétition. فقال رحمه الله تعالى قال وهي المفعول به. Ou al-masdar, et l'appellation qui est plus connue par rapport au masdar, il appelle al-maf'ul al-mutlaq. Qala wal-dharfu zamani wal-dharfu al-makani. Et il y a une appellation qui est réunissée, dharfu zaman wal-dharfu al-makani, qui est appelée al-maf'ul fihi. Qala al-halu wal-tamyiz wal-mustathna wa-ismula wal-munada wal-maf'ul min ajlih. Naam. قال والمفعول من أجله ونقول كذلك لابلي المفعول له تام. قال والمفعول معه قال وخبر كان وأخواتها لا يلا ريبيتيشن تام. خبر كان وأخواتها إلى ريبيتي وأخواتها لا كونتيكم 15. قال واسم إن وأخواتها قال والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. فهذا سلي منصوبات من الأسماء. تامين إذا يبكي يعني من باب الإجمال إيبا إن شاء الله تبارك وتعالى بخصتي كم إلا فيه avec les مرفوعات en expliquant un par un ces منصوبات من الأسماء. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمفعول به. نعم. Et généralement il commence par celui-là parce que c'est lui qui est beaucoup utilisé dans le mansoubat, qui revient souvent. فَقَالَ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بَابُ الْمَفْعُولُ بِهِ قَالَ وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يَقَعْ بِهِ الْفِعْلُ. الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يَقَعْ بِهِ الْفِعْلُ. مَا هُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ إِلَى دِي سَانْ إِسْمُ كِي مَنْصُوبُ الَّذِي يَقَعْ بِهِ الْفِعْلُ. Celui qui a subi l'action du fi'l. Cette définition là elle est bonne, lakin il manque certaines choses à évoquer afin que la définition inshallah de baraka wa ta'ala soit complète. Fa nazid ala ta'rif wa hadd al mu'allif rahimahu Allah ta'ala, on doit ajouter à cela de dire huwa al ismu al mansub alladhi waqa'a bihi fi'lu al fa'il. Il faut rajouter par rapport à cela fi'lu al fa'il, parce que le fi'l tam ça va de soi, peut-être c'est pour ça qu'il a pas évoqué, pour qu'il y ait un fi'l objet qui est un fa'il, c'est comme le mubtada wal khabar, il y a pas l'un sans l'autre. Fa kadhalika al fi'l. Si jamais il y a un maf'oul, une chose qui a subi l'action, c'est qu'il a subi l'action du verbe et kadhalika du sujet. C'est pour ça qu'ils évoquent certains an-nuha dans la définition du maf'oul bihi en disant huwa al-ismu al-mansub alladhi yaqa'a aw waqa'a fihi fi'l al-fa'il, fi'l al-fa'il, l'action du sujet. On peut voir que al-fa'il c'est l'équivalent du sujet dans la grammaire française. Et il faut rajouter après cela nafyan ou ithbatan. Ou l'ism al-mansoub alladhi waqa'a bihi fi'l al-fa'il nafyan ou ithbatan. Nafyan ou ithbatan, que ce soit évoqué de la manière affirmative ou bien de la manière négative. Parce que si jamais مثلا on dit ma darabtu muhammadan, ma darabtu muhammadan, si jamais on venait appliquer la définition de ce qu'il a évoqué al-muallif rahimahullah ta'ala sans évoquer les autres annotations que j'ai évoquées à l'instant, il a dit huwa al-ismu al-mansub alladhi yaqa' bihi al-fi'l. Dans la phrase ma darabtu muhammadan, ma حرف نفي ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير متحرك في محل الرفع فاعل محمدا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره دوك سا مفعول به. طيب on prend la définition, il a dit c'est l'ism al-mansoub alladhi yaqa' bihi al-fi'l. La personne peut se dire هل وقع على محمد الفعل. Là, c'est quoi le fi'l? C'est daraba. Est-ce que Muhammad il a été frappé? Il n'a pas été frappé. Ma darabtu Muhammadan, je ne l'ai pas frappé. Fa ma waqa'a ad-darb ala Muhammadin. Là, si on prend cette définition-là, c'est-à-dire que toutes les jumal dans lesquelles il y a un maf'ul bihi, lakin dans un contexte où la phrase elle est manfiya, elle est négative, la définition ne peut pas s'appliquer. Parce qu'il dit le maf'ul bihi, c'est celui qui a subi l'action du fi'l. Et là, il n'a pas subi l'action. Ma darabtu Muhammadan. Il n'a pas été frappé. C'est pour ça qu'on a rajouté nafyan ou ithbatan. C'est-à-dire que la relation de que l'action soit survenue sur le maf'ul bihi, ça peut être évoqué de manière affirmative ou bien de manière négative. C'est pour ça qu'ils ont rajouté nafyan ou ithbatan, parce que certaines des définitions ne s'appliquent pas avec certains des exemples. C'est pour ça que la définition qui est propre, c'est de dire huwa al-ism al-mansub alladhi yaqa bihi فعل الفاعل إثباتا أو نفيا, que soit de manière négative ou affirmative. Ça c'est la définition propre du quoi, du مفعول به. قال نحو ضربت زيدا. ضربت فعل ماضي مبني على السكون, فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير متحرك في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة رفعه أو بنصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ركبت الفرس كذلك, ركبت فعل ماض مبني على السكون للاتصال به بالتاء ضمير متحرك في محل رفع فاعل. الفرس مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. تم فسا celui qui a subi l'action. تم lorsqu'on dit ركبت الفرس, تم ما الذي ركب, qui a été, quelle est la chose sur laquelle يعني je suis monté, c'est Al-Faras. Donc il a subi l'action de quoi? Du Rukub. Darabtu Zaydan, c'est qui a subi l'action du Darb? C'est Zayd. Donc c'est celui qui est quoi? Maf'oulun bihi. C'est pour ça qu'il a dit maf'oulun bihi. Ma ma'na maf'oulun bihi ay maf'oulun bi fi'l al-fa'il. Le ha dans bihi, il revient quoi? Fi'l al-fa'il. Lakin c'est long de dire maf'oul bi fi'l al-fa'il. C'est un peu même ambigu. Lakin la personne peut se dire c'est quoi le murad bil ha? Envers quoi il revient le ha dans maf'oul bihi? Le ha il revient soit au fi'l ou bien soit fi'l al-fa'il. Maf'oulun bihi ay maf'oulun bi fi'l al-fa'il ou bien bil fi'l. Qala wa huwa ala qisman zahirun wa mudmar. Il a évoqué que al-maf'oulun bihi il a ala qisman. Il se divise en deux parties. Un qui est zahir et un qui est mudmar. On a pu voir qu'est-ce que le zahir et qu'est-ce qu'était le mudmar. Qala fa zahir ma taqaddama dhikruhu. Comme il a évoqué dans les exemples. Darabtu zaydan, ça c'est quoi un ism al-zahir? Yani c'est pas un mudmar, c'est pas un pronom. Rakibtu al-farasa, كذلك الفرس هنا c'est quoi? C'est un ism qui est zahir. Donc il peut être ism zahir, et comme il a dit qala wa mudmar. Qala wal mudmar qisman, muttasilun wa munfasilun. Le mudmar de maf'ul bihi yanqasimu ila qismayn. Muttasilun, soit il est lié directement au verbe, il peut être aussi كذلك muttasil bil fi'l. Par exemple, je dis أعطيته. مثلا on parle d'un kitab, أعطيت الكتاب, أعطيته أي لشخص. فهنا le ha qui est مفعول به il est accroché directement au ta qui est quoi C'est un damir qui est fi mahal raf fa'il. Donc il peut être muttasil bil fi'l. Il peut être kadhalika muttasil bil fa'il. Qala wa munfasil. Naam. Qala fal muttasilu 12 wa hiya darabani. Le mafhoul bihi huna c'est quoi? C'est le ya. Tam. Amal nun, on appelle ça nun al-wiqaya. Tam. Afin de préserver le verbe. Parce que le fi'l al-madi il est mabni soit à la sukun ou soit à la al-fatha ou soit kadhalika à al-dhamma. Il n'est pas mabni à la al-kasra. Si jamais on n'aurait pas mis nun al-wiqaya entre les deux, on aurait dit darabi. Et ça, ça ne se dit pas. Tam. Ça se dit pas darabi. C'est pour ça qu'on a ramené nun al-wiqaya afin de préserver le verbe, afin de préserver la fin du verbe qu'elle se finisse par une kasra. Alors qu'on ne trouve pas cela dans la langue arabe. C'est pour ça qu'ils ont ramené nun al-wiqaya. Comme elle porte son nom, wiqaya, pour préserver la fin du verbe de finir avec une kasra. Qala wa hiya darabani. Fa ad-damir huna dans darabani, c'est le ya. On va faire inch'Allah tous les arabes. Parce que le plus important dans an-nahu, c'est quoi? C'est de mettre en application les arabes. Donc on donne les arabes. Qala darabani, si on fait les arabes, on dira daraba fi'alun madin mabni ala al-fatha. والنون نون وقاية on les voit comme cela. والياء دمير متصل في محل نصب مفعول به. Il est في محل نصب مفعول به. ضربني c'est moi qui ai été frappé, donc j'ai subi l'action. Comme on a pu voir, ça c'est la définition propre de quoi? Du مفعول به. أي الذي وقع عليه فعل الفاعل, celui qui a subi l'action du فاعل. قال ضربنا أي نحن, il nous a frappé. ضرب ما معرب. نعم, j'ai pas évoqué le فاعل. Le فاعل في محل الفاعل مستتر تمام هو تمام ضربني اي هو قال ضربنا فعل ماض مبني على الفتحه وفاعله ضمير مستتر تقديره هو جوازا كما نقول on peut le faire apparaître comme on peut ne pas le faire apparaître. قال ضربنا والنا هنا الضمير متصل في محل نصب مفعول به. نعم كذلك. قال ضربك la même chose. ضربك la même chose. Darabakuma pour deux personnes. Il les a frappés en parlant de deux personnes. Darabakum kazalika. Il les a frappés. Darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahun. Ça c'est ad-damir et muttasil fi mahal kullaha fi mahal nasb maf'ulun bihi. Que soit le ya, le nun, le kaf, le maftour, celui qui est maksour, kuma il akhirhi, tout cela ce sont des damir muttasila fi mahal nas mafhurun bihi. Qala wal munfasilu. Qala kazalika ithna ashara wa hiya iyaya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum wa iyahunna. Ça c'est les damir qui sont في محل نصب qui sont évoqués par les damir qui sont quoi منفصلة. Comme مثلا dans الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك هنا c'est un damir نصب تام منفصل. Il est في محل plutôt في محل نصب مفعول به. Certains des علماء ils évoquent que le مفعول به dans إيا مثلا إيا إيانا إلى آخره إياك وإياك إلى آخره ils évoquent que le الضمير qui est في محل نصب c'est إياي. Ensuite, le ya, c'est le takallum, pour apporter le sens de l'allocution. Iyana, kazalika, les mutakallimin. Iyaka, c'est le khitab, kazalika, le kaf, kuma, kum, kunna, le ha. Tout cela, ils évoquent que c'est pas le damir qui est fi mahal nasb, lakin c'est le damir qui est évoqué soit les takallum, ou soit les khitab, ou soit les ghaib. Et certains, ils voient que le damir qui est fi mahal nasb, c'est l'intégralité. Iyaya, lorsqu'ils font l'arabe, maintenant si on fait l'arabe de Iyaka na'budu, fi qala subhanahu wa ta'ala, Iyaka na'budu, on dira damirun munfasil fi mahal nasb maf'ulun bihi. Certains ils évoquent la totalité, Iyaka. Ils disent tout cela, c'est le damir qui est munfasil, qui est fi mahal nasb. Et d'autres, lorsqu'ils font l'arabe, ils diront Iyaya, Iyaka plutôt, Iyaka na'budu, ils vont dire Iya, damir munfasil fi mahal nasb maf'ulun bihi. Walkaf lil khitab. Donc certains ils évoquent un i'rab de cette manière-là et d'autres un i'rab de l'autre manière. Lequel des deux il est plus prépondérant par rapport à l'i'rab? Comme l'a dit Cheikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-amru sahl. Lorsque tu vois que les grammairiens an-nuha ikhtalafu fi mas'alatin والمسألة الخلاف فيها سهل. تمام؟ الخلاف إليه إليه سامف. تمام؟ يبقى ده problem par rapport à cela. فأنت تأخذ القول الذي تريد والقول الذي به تنشرح ينشرح صدرك. Tu prends la tu prends la l'avis avec lequel il sera plus facile pour toi, tam, de l'appliquer et celui que tu veux. Tam, dans la mas'ala, tu fais ce que tu veux lorsque ils évoquent des khilafs, tam, dans la langue arabe qui sont simples. Tam. Et le plus simple, c'est de prendre la facilité. Tam. Il y a un Nabi sallam, ma khuyyira bayna amrayn illa akhadha aysarahuma. Le prophète sallam, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il prenait celui qui était quoi, le plus facile. Donc le plus facile, c'est quoi? Tam, pour suivre la sunna, parce que c'est dans toute chose. Le plus facile, c'est de prendre les arabes avec l'intégralité, de dire que il y a qu'un. Tout cela, c'est quoi? Le damir, damir munfasil fi mahal nasb mafhulun bihi. Ça, c'est le plus simple. Donc la sunna, elle nous appelle à prendre le plus simple, et le plus simple, c'est d'évoquer la totalité et non pas de faire la séparation entre il y a et le damir qui vient après. Et là, il a évoqué de manière vraiment concise. Il y a d'autres choses à voir, inshallah, de baraka wa ta'ala, par rapport au mafhoul bihi. Mais cette manière qu'il a procédé, elle est bien. Comme ça, ça permet au talib d'avoir les bases, de comprendre les bases dans le mafhoul bihi, de savoir le retrouver dans, dans les phrases, de savoir faire son i'rab. Et ensuite, lorsqu'il passera à un autre kitab, il aura des bases, et ensuite il rajoute à ces bases-là d'autres connaissances. Donc on ne va pas, inshallah, évoquer, plus pour ne pas alourdir le matn, parce que c'est le but, c'est un kitab de mubtadi. Et inshallah ta'ala, dans un autre kitab, inshallah ta'ala, on évoquera les choses qu'il faudra évoquer. Et voilà qu'il y a l'ilm. L'ilm yu'khad shay'an fa shay'an. Si jamais on prend, comme a dit l'imam Zuhari, alayhi rahmatullah, l'ilm jumlatan, on veut le prendre d'un seul coup. Qala nabi qala l'imam Zuhari, dhahaba anhu jumla. Man akhadha man arada an ya'khadha l'ilm jumlatan, dhahaba anhu jumla. Celui qui veut prendre l'ilm d'un seul coup, il va disparaître entre ses mains d'un seul coup. وقال إنما يؤخذ العلم إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. Mais la science, on l'apprend jour par jour. Donc ça c'est on va évoquer par rapport au jugement pour finir cela pour un ultime al-fa'ida. Le mafhoul bihi est toujours mansoub. Est toujours mansoub. والأصل في المفهوم به ce qui vient après le fa'il. Al-asl fi al-jumla al-fa'liya, parce que là on parle de jumla qui sont fa'liya, parce qu'on parle de maf'ul, donc celui qui a subi l'action du fi'l. Fa'l-asl dans le tertib, dans la chronologie, on ramène al-fi'l. Ensuite on ramène le fa'il, ensuite on ramène le maf'ul bihi. Ça c'est l'asl. Lakin comme on a pu voir avec, à travers la ayah, qu'on le subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, huna, la personne peut se dire là, il est venu en première position. Ça c'est une exception. On va voir dans quel cas on peut faire précéder le maf'ul bihi au fi'l et kadhalika au fa'il. On va voir les cas, inshallah, ça sera dans d'autres kutub. Lakin al-asl, toi tu le prends comme cela, le asl dans le maf'ul bihi, c'est annaka tabda bil fi'l thumma al-fa'il thumma bil maf'ul bihi. Il est en troisième position dans la jumla qui est quoi? Qui est fi'liya. Si il est évoqué. Fa'adha huwa. Donc, par rapport au ahkam, annahu mansoub da'iman. Ah ben ça c'est une chose que là il y a khalaf, il n'y a pas d'exception. Et il vient en troisième position dans la phrase, dans la jumla qui est quoi, fi aliyah. Ça c'est al aslufi al mafhoul bihi. Naam. Inch'Allah on va poursuivre, on va prendre l'autre mansoub plutôt. Naam. Qui est al mustar. Qala babu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Est-ce que ça a été compris? Si jamais ça a été compris, on poursuit. Si jamais il y a des choses qui n'ont pas été compris, inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on s'arrête et on explique les choses que vous n'avez pas compris. Si jamais c'est le cas, ou sinon on poursuit. S'il n'y a pas de questions ou bien de remarques, on poursuit, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala babu al-masdar. On peut voir que l'appellation qu'on peut donner aussi kazalika à ce mansoub, c'est quoi? Babu al-maf'ul al-mutlaq. Et c'est la tasmiya qui est quoi? Mawjouda fi kutub al-nahw. Fi kutub al-nahw, tajid bab al-maf'ul al-mutlaq. Et non pas babu al-masdar. Pourquoi il a le maf'ul al-mutlaq parmi ces appellations al-masdar? L'annahu huwa masdar. C'est un masdar. Et le masdar, comme il va l'évoquer, rahimahullah ta'ala, faqala al-masdaru huwa al-ism al-mansub alladhi yaji thalithan fi tasarrif al-fi'l. Nahwu daraba yadribu darban. Naam, lorsqu'il évoque un verbe, et la manière dont il se conjugue, comme il a dit ici, il a dit le masdar, awalan pour faire traduction, il a dit le masdar huwa al-ism al-mansub. C'est l'ism qui est mansub. Alladhi yaji thalithan fi tasarrif al-fi'l. Celui qui vient en troisième position lorsque tu conjugues un verbe. C'est-à-dire que tu ne le conjugues pas dans son, comment s'appelle, de l'allocution au discours jusqu'au al-ra'ib, lakin, pour évoquer quelle est sa conjugaison dans le mardi et sa conjugaison dans le mudari, et normalement kadhalika ils évoquent aussi l'amr, mais je crois qu'ils évoquent en quatrième position, et ils évoquent kadhalika al-masdar dans langue arabe. Lorsque ils disent mathalan fa'ala, il va dire fa'ala fa'ala yaf'alu fi'lan if'al, mathalan ils évoquent de cette manière là pour que tu saches comment il se conjugue au mardi, au mudari, c'est quoi son masdar et c'est quoi kadhalika son fi'l amr. Donc c'est celui qui vient, comme il a dit, en troisième position lorsque tu conjugues un verbe pour savoir de quelle manière il se conjugue dans les temps verbaux. Faqala, naham, alladhi huwa al-ismu al-mansub alladhi yaji'u thalifan fi tashrif al-fi'l. Nahwu daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban. Fa darban huna, c'est le troisième qui a été évoqué, donc c'est quoi? C'est le masdar. Généralement, tu le vois dans les kutub de dans les vocabulaires, dans les qawamis, ils évoquent de cette manière-là. Le troisième, c'est le masdar. Lakin ce qui est voulu ici, c'est le maf'oul mutlaq. Ama la définition qu'il a évoquée, c'est pas la définition pour le maf'oul mutlaq. Lakin c'est la définition pour le masdar. Ama le maf'oul mutlaq, on dira c'est quoi? C'est un masdar. Masdarun yudhkar ba'da fi'lin min lafdhihi ta'kidan li ma'na. Al-masdar, le maf'oul mutlaq, qu'est-ce que c'est? Qalu masdarun yudhkar ba'da fi'lin min lafdhihi ta'kidan. Le masdar, ça c'est une des catégories. Le masdar, ils ont dit plutôt le maf'oul mutlaq, c'est un masdar. Donc on a pu voir qu'est-ce que le masdar. C'est l'équivalent dans la grammaire française du nom commun. C'est l'action. L'action qui est compris dans le verbe. Daraba, il a une action. C'est quoi l'action? Darbun. Fa'ala, il a une action. C'est quoi son action? Fi'lun. Mathalan, istafhama. Il a une action. C'est quoi son action? Istifham. C'est le masdar, c'est l'action. Le masdar, c'est le hadith. فَقَالُوا مَصْدَرٌ par rapport au مَفْعَلْ مُطْلَقْ مَصْدَرٌ يُذْكَرُ بَعْدَ فِعْلٍ مِنْ لَفْضِهِ تَأْكِيدًا. C'est le masdar qui est évoqué après un fi'l. Donc ce masdar, le مَفْعَلْ مُطْلَقْ, il n'est pas évoqué avant le fi'l. Lakin il est évoqué quoi? Après le fi'l. Ça c'est parmi les ahkam du مَفْعَلْ مُطْلَقْ أَنَّهُ يُذْكَرُ بَعْدَ الْفِعْلِ. لا بد من دائماً. قالوا من لفظه تأكيدا. Qu'est-ce qu'il va évoquer par là? Min lafdhihi, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans ce masdar là les mêmes huruf qu'il y a dans le fi'l. Comme مثلاً tu vas dire, et ils ont dit li ta'kid, pour appuyer au niveau du ta'kid. Daraba yadribu darban. Ou مثلاً darabtu Muhammadan darban. Ou comme on va prendre la mère des paroles, celle d'Allah Azza wa Jal. Wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu موسى تكليما فتكليما هنا c'est un مفعول مطلق c'est un مفعول مطلق parce que c'est un مصدر on va voir que vous avez pu voir peut-être que le مصدر des أفعال qui sont à la وزن فعلا comme c'est le cas ici كلما فعلا le مصدر c'est à la وزن تفعيل وكلم الله موسى تكليما فتكليما هنا c'est un مصدر يذكر بعد الفعل il a été évoqué après le fi'l من لفظه on retrouve la base dans ce masdar là les mêmes huruf qu'on retrouve dans quoi? Dans le fi'l. Tam kallama, yal kaf, yal lam, yal mim. Kadhalika huna taklima, yal kaf, yal lam, yal mim. Et pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi on le ramène ce masdar là? Li ajli at-ta'kid, afin d'appuyer. Lorsque je dis, lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'a dit, wa kallama Allah Musa taklima, tam s'enlève tous les doutes que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est probable qu'il lui a pas parlé? Là, c'est plus possible d'avoir l'ombre d'un doute. Wa kallama Allah Moussa taklima. Donc ça, c'est un appui au niveau du taukid. Comme ça, c'est une faïda kazalika. Comment on fait pour akkad dans une jumla fi'liya? Tu ramènes le maf'ul al-mutlaq. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Darabtu Muhammadan darban. Katabtu ad-darsa kitabatan. Hafidtu ad-darsa hifdhan. Là, tu appuies l'action que tu as faite en ramenant ce masdar-là que tu évoques après le fi'l. Et il faut que ce masdar-là, il a les mêmes huruf que le fi'l. Ou bimuradifihi. Ou bien c'est un synonyme de comment ça s'appelle du fi'l. Mathalan, si jamais je dis jalastu fil masjidi qu'oudan. Jalastu fil masjidi qu'oudan. Qu'oudan, kadhalika, c'est un masdar. Lakin, est-ce que ce masdar là il est min lafdhi al fi'l? Jalastu qu'oudan, les trois lettres elles sont pas pareilles. Jalastu, le jim, le lam, le sin. Qu'oudan, qaf, inda. Lakin, le masdar, le maf'ul al-mutlaq, il peut être évoqué après le fi'l, bilafdhihi, ou bien bimuradifihi, par rapport à son synonyme. Et le synonyme de jalasa, dans la langue arabe, c'est quoi? Qa'ada. Tamim, c'est assis. Lorsque je dis jalastu fil masjid qu'udan, je me suis bien assis dans le masjid et pas, j'ai pas fait autre chose que cela. Pour appuyer que je me suis véritablement assis dans le masjid. Tamim. Celui-là, on appelle kadhalika maf'ul mutlaq. Tamim. C'est pas min shartihi an al-masdar al-maf'ul mutlaq an yakuna min masdari al-fi'l. Il faut pas que c'est pas une condition qui est requise pour qu'on dise un maf'ul mutlaq que forcément on va retrouver ce masdar là qui fait partie tam de huruf al-fi'l. Il peut être bi muradifi. Donc on répète la définition de maf'ul mutlaq masdarun. On sait ce que c'est le masdar par rapport à la définition qu'il a évoquée al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Masdarun yuzkar ba'da fi'lin min lafdhihi aw muradifihi ta'kidan afin d'appuyer. Masdarun yuzkar ba'da fi'lin min lafdhihi aw muradifihi ta'kidan li ma'na, afin d'appuyer la ma'na du fi'l. Ça c'est quoi? Le maf'ul al-mutlaq. Et il est daiman mansoub. Et kadhalika min ahkamihi annahu ya'ti daiman ba'da al-fi'l. Il faut qu'il soit évoqué toujours après le fi'l, comme c'est le cas ici. Kallama Allahu Musa taklima. On n'a pas pu dire takliman en dehors du Coran, bien sûr. Takliman kallama Allah. Ça c'est une khata. Fi al-lugha al-arabiyya, c'est pas fasih jiddan. C'est même pas une jumla qui est mafhouma. Le fait de faire précéder le maf'ul al-mutlaq ala al-fi'l ou al-fa'il, ça se fait pas. Il faut qu'on le ramène après. Il faut qu'on le ramène après. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, qala wa huwa qisman, ay al-maf'ul al-mutlaq. Qala lafdhi wa ma'nawi. C'est un peu, yani je me suis un peu précipité par rapport à l'explication, parce qu'il a évoqué là. Qala wa huwa ala qisman. Plutôt, il a dit, wa huwa qisman. Lafdhiyun wa ma'nawiyun. Qala fa in wafaqa lafdhuhu, lafdh fi'lihi, fa huwa lafdhi. Nahwu qataltuhu qatla. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, que le maf'ul al-mutlaq yanqasimu ila qismayn. Il a dit, ila lafdhi wa ma'nawi. Lafdhi, c'est-à-dire qu'il aura les mêmes lettres que son, que le fi'l. Wa ma'nawi, c'est le muradif. C'est le synonyme. Il nous dit, comment on fait pour reconnaître du lafdhi du ma'nawi? Il dit, fa'in wafaqa lafdhu, ay, fa'in wafaqa lafdhu al-masdar, ou bien al-maf'ul al-mutlaq, lafdha fi'lihi, fahuwa lafdhi. Si jamais on retrouve les mêmes lettres dans ce maf'ul mutlaq qu'il y a dans le fi'l, et bien on va appeler ça un maf'ul mutlaq qui est quoi? Lafdhi. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé les mêmes lettres qu'il y a dans le verbe à son présent kadhalika dans le maf'ul mutlaq. Comme il a dit huna, qataltuhu qatla. Yani je l'ai véritablement exécuté. Qataltuhu qatla. Si on fait l'arab, on dira qataltuhu fi'lun madin mabni 'ala as-sukun. لاتصاله بالتاء في محل الاتصال به بضمير متحرك في محل رفع فاعل ولها ضمير متصل ودي قتلته ضمير متصل في محل نصب فاعل تمام plutôt مفعول به là comme on peut le voir le ضمير qui est متصل ça مفعول به et il est متصل بالفاعل comme on a pu voir il peut être متصل مفعول به بالفعل ou il peut être كذلك متصل بالفاعل تمام ضربك ليل متصل بالفعل قتلته متصل بالفاعل وقتلا تجرى مفعول مطلق منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. Dans cette phrase là il y a deux مفعول. Le premier c'est un مفعول به qui est le ha قتلته, ça revient à une personne. قتلا c'est un مفعول qui est quoi? مطلق, afin de quoi? D'appuyer que je l'ai véritablement exécuté. Là est-ce que ce مفعول المطلق c'est un مفعول المطلق qui est lafdhi ou bien qui est ma'nawi? Dans cette jumla là il est quoi? Il est lafdhi. لماذا? لأن المفعول المطلق اشتمل على نفس الحروف التي اشتملت عليها الفعل. On retrouve les mêmes حروف dans le مفعول المطلق que dans le فعل. قتلته le قاف le تاء le لم. قتل le قاف le تاء et le لم. Et c'est un مصدر. Le معروف le مصدر. Il faut qu'il a les mêmes lettres que quoi? Que son fi'l. Donc là, ça, on appelle ça un maf'ul mutlaq lafdhi. لماذا؟ لأن وافق المفعول المطلق لفظ فعله. قال وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. أما si jamais il n'a pas les mêmes lettres, إن وافق معنى فعله, plutôt si jamais il a le même sens, ce maf'ul mutlaq, que l'action qu'il y a dans le fi'l, ou bien de l'action de son masdar, lakin on ne retrouve pas les mêmes huruf, il a dit c'est quoi? Ma'nawi. Et celui qu'on appelle muradif. Muradif, c'est-à-dire avec le synonyme. Qala nahwu jalastu qu'udan. تم سوف الإعراب جلست فعل ماض مبنى على السكون اتصاله بتاء متحرك في محل رفع وقعودا ثلاثي مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره تم سمفعول مطلق لكن إسكو سمفعول مطلق كي لفظي أو بكي معنوي سبي الله إلي كوا إلي معنوي بخوا بس لن رتخف با لمام لتر كي أدن المفعول المطلق إي أبك الفعل لكن on retrouve la ma'na. Parce que jalasa, le fait de s'asseoir, qu'udan, kazalika, ça a le même sens, le fait de s'asseoir. Lakin, on ne retrouve pas les mêmes huruf. Donc là, on va l'appeler quoi? On va l'appeler maf'oulun mutlaqun, lakin ish ma'nawi. Tam qui a le sens, et non pas, barlafikum, non pas l'alphaz. Tam, non pas l'alphaz. Enfin, celui-là, c'est maf'oulun mutlaqun, lakin ish ma'nawi. Qala kazalika, kumtu wukufa. Kumtu wukufa. Je me suis véritablement tenu debout. Comme tout, fi'alun ma'adil mabina ala sukun, l'ittisal bihi damir mutaharrik fi maharraf fa'il. Wukufa, maf'ulun mutlaq, mansouf bil fi'al, wa alamantun nas bihi al-fatha al-zahira fi akhirihi. Est-ce que c'est un maf'ul mutlaq, lafzi ou ma'nawi? Je vous laisse répondre. Est-ce que cet exemple-là, comme tout wukufa, c'est un maf'ul mutlaq, lafzi ou bien ma'nawi? Si c'est ma'naoui, mettez un. Si jamais c'est lafzi, mettez deux. Kumtu wukufa. C'est un maf'ul mutlaq, ma'naoui ou bien lafzi. Si c'est ma'naoui, mettez un. Si jamais c'est lafzi, mettez deux. Si jamais vous savez pas, mettez zéro. Qala ibn Mas'ud, man 'alima shay'an falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Fa inna min al-'ilm an aqula ar-rajul idha lam ya'lam Allahu a'lam. Il y a pas de honte à ne pas connaître une chose. Ma'naoui. Naam. Al-muhim, comme l'a dit le participant 23, c'est que c'est un maf'ul mutlaq ma'nawi. Pourquoi ma'nawi? Parce que kumtu wukufa, kumtu c'est le fait de se tenir debout. Wal wukuf kathalika c'est le fait de se tenir debout. Donc là il a ramené un masdar afin d'appuyer l'action qui s'est tenue debout. Lakin est-ce qu'il a appuyé cette action là, qui s'est tenue debout, avec le masdar du fi'l qui est kumtu? Ou bien avec un autre masdar. Là, on a un autre masdar. Parce que le masdar de Qumtu, c'est pas Qiyam. Le masdar de Qumtu, c'est Qiyam. Si jamais j'aurais dit Qumtu Qiyaman, là, c'est un maf'ul mutlaq, lafzi. Lakin le fait qu'il a dit Qumtu Wukufa, il a ramené un masdar, Wukufan, c'est un masdar, lakin de Waqafa Yaqifu Wukufan. Ils ont le même sens, lakin ils n'ont pas quoi? Le même huruf. Dans ce cas-là, si jamais ils ont le même sens, ils n'ont pas le même huruf, j'ai pris un autre masdar qui a le même sens que le masdar du fi'l qui est avant lui. On appelle ça quoi? Un maf'ul mutlaq qui est quoi? Qui est ma'nawi. Pourquoi ma'nawi? لأنه وافقه في معنى الفعل. Il est en conformité avec le sens du fi'l et non pas avec les huruf et le sens du fi'l. فهذا هو المفعول المطلق. قال وما أشبه ذلك. Et parmi les exemples, parmi les autres exemples qu'on peut citer par rapport à cela. المؤلف رحمه الله تعالى, il faut savoir que là il a évoqué une partie parmi les parties de quoi? Du maf'ul mutlaq. Ce qu'il a évoqué là, à l'instant, c'est-à-dire le maf'ul mutlaq al-lafzi ou le maf'ul mutlaq al-ma'nawi, ces deux-là, ma'nawi ou al-lafzi, ils rentrent dans une catégorie qui s'appelle quoi? Al-maf'ul al-mutlaq al-mubham. Al-mubham, c'est celui-là, ce qu'on a évoqué à l'instant, qui a pour but d'appuyer le sens du fi'l. Kumtu wukufa, et je me suis vraiment tenu debout. Kumtu qiyama, je me suis vraiment tenu debout. Adribhu darban, yani, on demande de le frapper véritablement. Ça, on appelle ça des maf'ul mutlaq mubham. Et il y a une autre catégorie qui est maf'ul al-mutlaq al-mukhtas. Il l'a pas évoqué lui, rahimahullah ta'ala. Lakin c'est mimbab al-ishara. Afin que vous savez qu'il y a une autre catégorie qui doit être évoquée, kazalika, avec le maf'ul al-mutlaq, lakin inshallah tabaraka ta'ala. Vu qu'il l'a pas évoqué, on va pas l'évoquer parce qu'il faut un support et c'est plus facile de suivre avec un support pour expliquer. Donc du fait qu'il n'a pas évoqué, Inch'Allah on va se contenter de ce que le mu'allif rahimahullah ta'ala il a évoqué. En résumé de ce qu'on a pu voir, on a pu voir aujourd'hui que le maf'ul, plutôt le mansoubat, et son nombre de 14. Il a évoqué 15, lakin il a une répétition qui a été faite. Le fait qu'il a dit khabar kana wa khawatiha. Enfin, ils sont au nombre de quoi? Ils sont au nombre de 14. Il l'a tous évoqué, lakin il a fait une répétition. Il a évoqué en premier lieu le maf'ul bihi. Il a évoqué une définition qu'il fallait rajouter certaines quyoud annotations afin qu'elles soient complètes. Al-ism al-mansoub alladhi yaqa' bihi fi'l al-fa'il Isbatan ou nafian. Isbatan darabtu Muhammadan. Phrase affirmative dans laquelle j'affirme que Muhammad a été frappé, ou plutôt que j'ai frappé Muhammad. Ma darabtu Muhammadan kazalika. Muhammad il est mafoul bihi. Et dans cette phrase-là, j'affirme que Muhammad n'a pas été frappé. Dans les deux cas, ça mafoul bihi. Que la phrase soit affirmative ou que la phrase soit négative. Parce qu'il a subi l'action. Il est en relation avec le fi'l. Ensuite, il avait évoqué que Yann Qasim, il peut être Zahir comme Darabtu Muhammadan, il peut être Mudmar comme Darabtuhu, le Ha, il est Mudmar Huna, et le Mudmar il peut être Muttasil comme Munfasil, Darabtu Iyaka Na'budu, Mathalan, Iyaka Na'budu, ou Iyaka Nasta'in, celui-là il est Munfasil. Ensuite, il a évoqué Al-Masdar, il a voulu par le Masdar, Al-Mafhul Al-Mutlaq, il a évoqué la définition du masdar qui est bonne en disant que c'est l'ism al-mansoub alladhi yaji thalithan fi tasrif al-fi'l, lakin la définition propre du maf'ul mutlaq masdarun yudhkaru ba'da fi'lin min lafdhihi aw muradifihi li ta'kid ta'kidan li ma'nahu, celui qui est évoqué afin d'appuyer le sens de l'action du verbe. Il a évoqué juste une catégorie qui était le mubham, et le mubham yunqasimu ila qismayn, maf'ul mutlaq lafdhi, celui qui est le masdar qui a été évoqué et qui a les mêmes huruf que le fi'l, et ma'nawi, celui qui a le sens, le masdar qui a le même sens que le fi'l, mais qui n'a pas les mêmes huruf. Ça c'est le résumé du dars aujourd'hui inshallah tabarak wa ta'ala, et dans une prochaine assise inshallah tabarak wa ta'ala on va prendre bab dharfu zaman wa dharfu inshallah al makan. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. S'il y a des questions, Inch'Allah, par rapport au cours, sinon on se contente de ce qu'on a pu évoquer. On nous Allah subhanahu wa ta'ala, an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na. Subhanahu wa ta'ala, astaghfiruk wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj.afaf.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin la tarkan ilayhim, haula'i tha'abi.